Chapitre 7e. Les jeudis de carême de Madame de Rheinfels jouissaient d'une réputation méritée. La marquise possédait les deux qualités par excellence d'une maîtresse de maison. Elle avait le double secret de savoir s'effacer et de mettre les autres en relief. « Je ne vise pas des succès d'esprit, » disait-elle à ses intimes. « Si je voulais m'en donner la peine, ah, je sais bien, j'entends d'ici l'appréciation qu'on ferait en sortant de chez moi. » Pas jolie, la petite marquise, mais une verve endiablée. Pouh ! À quoi bon ? J'aime mieux que chacun se fasse un compliment à lui-même, se dise dans son fort intérieur. Décidément, ce soir, j'ai été fort brillant. Comme ça, je laisse à tous une bonne impression et je me fais plus d'amis. La méthode réussissait. On considérait comme une faveur grande d'avoir ses entrées dans cette coterie de choix. Il était presque aussi difficile d'y être admis qu'au petit mardi de la cour. Cette année, le premier jeudi, la marquise avait une physionomie particulière. On ne causait pas avec cette belle indifférence de gens du monde que rien n'émeut et rien n'étonne. On oubliait d'être spirituel pour devenir sérieux, et dans le feu croisé des demandes et des réponses, la même note inquiète dominait. C'est qu'aussi tant d'événements depuis 2 jours, tant de choses obscures et inexpliquées, à parler franchement, on n'y comprenait rien. D'abord, cette descente de police chez le prince, une manœuvre inepte, un coup d'épée dans l'eau, comme si Ewald était un de ces naïfs qui se laissent prendre dans une souricière. Le ministre en serait pour son portefeuille, mais de pareilles écoles étaient mauvaises, très mauvaises pour le pouvoir. Elles le discréditaient, le rendaient ridicule. Le pays pardonnerait difficilement cette insulte à son idole. Le prince ne pardonnerait pas non plus. Pourtant, il avait joué le beau rôle. En face des policiers, effarés, décontenancés de ne rien découvrir, il n'avait eu qu'un sourire d'ironique bienveillance. « Faites votre métier, messieurs. » Mais une heure après, il protestait en quittant le royaume. « C'était cela, peut-être, que voulait le ministre. Quelle insanité ! Avec ses victoires à la Pyrrhus, la catastrophe finale devenait imminente. » On disait la reine bouleversée, anéantie. Elle avait de plus un autre sujet de tristesse. La disparition mystérieuse de la comtesse Ludmie de Helt au lendemain du bal de la cour. Quelle était la cause de ce départ subi? Ici, les conjectures, les récits contradictoires se multipliaient à perte d'haleine. Ce qu'on racontait, avec des variantes, était ceci. On aurait vu la jeune fille se glisser hors du palais au milieu de la nuit, y rentrer 2 heures plus tard par un escalier de service, puis en sortir de nouveau aux premières heures du jour, très reconnaissable, malgré son costume sombre et le voile épais qui recouvrait sa figure. Elle se serait dirigée vers une voiture apostée au coin de la place royale, une voiture qui, de toute évidence, était là pour l'attendre, car elle y était montée sans donner d'ordre et le cocher l'avait emmenée à toute vitesse dans la direction de la gare. Mais c'était là des propos de Valtaille, qui pouvait en contrôler l'exactitude. Ce qui était plus sûr, c'est que, quelle que fût la vérité, personne ne la connaissait. La cour, pour sa part, cherchait à donner le change. Une note officielle, parue dans les journaux, annonçait que la demoiselle d'honneur, ayant obtenu un congé pour cause de santé, était partie pour le château de Felsenthal. L'explication était bonne pour le gros du public. Personne n'y croyait, malgré tous les efforts de la petite de Rheinfels pour accréditer la version. « Que voyez-vous donc là de si extraordinaire ? Disait-elle à ses interlocuteurs incrédules. Depuis longtemps, Ludmie avait le mal du pays. Elle s'était sentie plus souffrante, et elle s'en est allée sans avoir cru nécessaire de publier son départ à son de trompe. C'est tout simple, c'est tout naturel. Je ne vois pas la matière de roman à sensation. » C'est donc une épidémie, interrompit une jolie blonde avec une affectation de perplexité naïve. Voilà que tout le monde à la fois éprouve le besoin de fuir l'air empesté de la résidence. Le prince Ewald, ça se comprend, il avait ses raisons, mais Ludmie, et puis le même jour, le duc de Leuven, c'est bizarre tout de même. Il y a là quelque chose qui n'est pas clair, fit un jeune officier de la garde royale en caressant sa longue moustache. Je connais Leuven, il n'avait qu'un désir, épouser Ludmie, alors pourquoi l'enlever? Sans compter, reprit un autre, que ces procédés à la Lovelace ne sont pas l'affaire du duc. Le chevalier sans peur et sans reproche, comme nous l'appelions à l'école des cadets. S'il y a eu enlèvement, j'en accuserais plutôt le prince Ewald. Un torrent de protestations accueillit ces dernières paroles. « Le prince, allons donc. C'était une haine à mort entre lui et la demoiselle d'honneur. »« Qu'est-ce que cela prouve ?» dit un vieux diplomate qui avait écouté jusque-là en silence. « La haine, les trois quarts du temps, c'est de l'amour vicié. Heine, qui s'y connaissait, ne vous l'a-t-il pas dit avant moi ?»« Sie sahen sich an so feindlich und wollten vor Liebe vergehen. » Ah, la haine, de l'amour vicié, ce sont des mots, fit la marquise. Ludmille le haïssait d'une bonne et belle haine. C'était du reste son seul point vulnérable. À part cela, elle planait au-dessus de toutes les misères humaines, pure comme un ange et fière comme un démon. Ce sont justement ces femmes-là qui tombent, reprit le diplomate avec un fin sourire. Mais alors, pas comme les autres, pas avec précaution, en cherchant à se faire le moins de mal possible. Pour elle, la chute est mortelle, mais elle n'est pas sans grandeur. Ah, de grâce, pas de théories immorales, sollicita la marquise. Ne les appliquez surtout pas à ma pauvre petite Ludmille. Savez-vous que ce m'est un réel chagrin, toutes les vilaines histoires qui courent sur son compte, comme si de pareilles infamies pouvaient s'appliquer à elle. Les bavardages de la soirée Rheinfels se répétaient de salon en salon avec plus ou moins de malveillance selon les milieux. Le vrai et le faux, le vraisemblable et l'absurde, se confondaient si bien qu'au bout d'une semaine on était moins fixé qu'au premier jour. Cependant, on commençait à se lasser de discuter toujours les mêmes suppositions vagues. Puis, il se répandit que la cour étant mécontente du bruit fait autour de l'aventure, qu'elle verrait d'un bon œil, qu'on parlât aussi peu que possible, soit d'Evald, soit de Ludmille. Alors, petit à petit, le silence se fit. D'autres incidents politiques surgirent, d'autres scandales occupèrent les loisirs des gens désœuvrés, la plupart oublièrent, mais là-bas, au fond de son morne palais, une femme, qui savait toute la vérité, n'oublia pas. Christiane, si écrasée déjà par ses propres douleurs, trouva encore des larmes pour pleurer sur Ludmille, et l'irréparable de cette chute, l'ingratitude apparente de celle qu'elle avait aimée en sœur, furent un déchirement nouveau pour sa pauvre âme meurtrie. 3 mois avaient passé. Tout se ranimait sous les tièdes caresses du renouveau. Les lilas et les cytis en fleurs ouvraient leurs clochettes parfumées. L'air léger faisait frissonner les feuilles naissantes et dans l'infini du ciel, les oiseaux, joyeux de cet immense réveil, lançaient à toute gorge leur hymne de triomphe. C'était le printemps, la jeunesse de l'année, si douloureux au cœur triste, à ceux qui savent que pour eux c'en est fait des longs espoirs et des radieuses promesses. Mais pour Evald et Ludmille, encore dans toute l'ivresse des premiers baisers échangés, des premières paroles d'amour, la poésie de cette nature en fait les berçait d'ineffables ravissements. La force irrésistible qu'ils avaient poussée l'un vers l'autre ne laissait hélas aucune place au remords. Ils s'aimaient, ils étaient heureux, de ce bonheur exclusif qui supprime tout ce qui n'est pas lui. Chez Ludmille, c'était comme la révélation d'un être inconnu. Qui eût pu reconnaître dans cette femme vibrante et passionnée l'orgueilleuse jeune fille qui hier encore jurait de marcher seule dans la vie? Aujourd'hui, il lui semblait qu'elle avait toujours aimé Evald, qu'elle avait menti à sa raison d'être jusqu'à l'heure où, épuisée par une lutte qu'elle livrait sans en avoir conscience, elle obéissait à sa destinée. Le prince l'avait emmenée dans une riante solitude, une blanche villa nichée au milieu d'un bouquet de verdure et baignée par les eaux bleues du Zuiderzee. Un peu à gauche, sur un monticule boisé, quelques maisons rustiques, posées en amphithéâtre, et l'église, toute simple, sous son manteau de lierre, jetant une ombre protectrice sur les humbles tombes qui se groupaient autour d'elle. En face était Marken, ce petit point perdu au milieu des flots, et où toute activité et vie, où les femmes travaillent gaiement au soleil, leurs longues nattes ruisselant sur leurs corselets de velours. Par une claire journée, Ludmille aimait à aborder dans l'île, à contempler le mouvement de cette ruche vivante. Se demandait-elle alors s'il n'eût pas mieux valu pour elle échanger son sort contre celui de la plus obscure de ses femmes? Non, l'heure des regrets n'avait pas sonné. Les jours fuyaient, tandis qu'Evald, à ses genoux, la grisait de son éloquente tendresse, lui redisait encore toutes les phases qu'avait subies son amour. C'était un chapelet interminable de douces confidences. Oh, lui, Dès le premier moment, il l'avait adorée. Lorsqu'elle le repoussait, lorsqu'elle le glaçait de son indifférence, il l'aimait quand même et toujours davantage. Un instant, il avait tenté de résister, de lui montrer que lui aussi savait être dédaigneux et indifférent. Bon, il n'était que jaloux, jaloux de Leuven, le pauvre garçon qui méritait si bien de lui être préféré. Puis, était venue la séparation, ces tristes journées vides de lumière, mais que traversait pourtant une lueur, le souvenir des adieux d'Altveldor, les paroles émues de Ludmi, « Je crois en votre sincérité », l'étreinte de sa petite main tremblante. Il en était resté une chaleur au cœur, quelque chose de doux et de fortifiant qui le soutenait comme une espérance inavouée. Aussi, lorsqu'elle lui était apparue dans le silence de la nuit, la surprise de la voir avait à peine duré, et à mesure qu'elle parlait, il trouvait naturel qu'elle fût là comme si elle venait acquitter une promesse, prendre à ses côtés la place qui lui appartenait. Maintenant, ne lui semblait-il pas, à elle aussi, qu'il ne faisait que se retrouver après s'être perdu, que leurs deux âmes, si bien fondues l'une dans l'autre, n'en avaient jamais formé qu'une seule. Ainsi, pendant de longues heures, sans qu'il se lassât de parler, ou elle, d'entendre. Et Ludmi s'enivrait de ce langage si nouveau et si doux, oubliant que personne ici-bas n'a le droit de faire son bonheur à sa guise, que les joies volées se payent, et que de toutes les amertumes de notre carrière mortelle, aucune ne nous atteint plus sûrement que celle de l'expiation. L'été les retrouva dans leur solitude. Un moment, ils avaient ébauché des projets de lointains et merveilleux voyages. Ils iraient sous d'autres cieux chercher les grands spectacles de la nature. Ils contempleraient les ruines des civilisations passées, et ils éprouveraient cette suave impression qui double la sensation du beau, celle d'admirer ensemble, serrés l'un contre l'autre. Puis, ces beaux projets s'étaient évanouis en fumée. La paresse de leur amour les avait repris. Ne se suffisait-il pas à eux-mêmes ? Plus tard, disait Ludmi en souriant, lorsque la satiété viendra, lorsque vous vous lasserez, Ewald, de regarder dans mon cœur pour y lire ma tendresse, alors il sera temps d'aller demander au dehors des émotions nouvelles. Ewald protestait d'un rire joyeux, et croyait si bien que ce plus tard n'arriverait jamais. De fait, cet amour qui les rivait l'un à l'autre prenait de jour en jour plus d'intensité et de profondeur. Sous l'empire de sa passion, Ewald était prêt à fouler aux pieds toutes ses ambitions humaines. Il voulait renoncer à son rang, abdiquer ses droits d'héritier éventuels du trône, s'attacher Ludmi par un mariage morganatique, le seul qui fût possible entre eux. Longuement, ardemment, il plaida sa cause. Que lui importait à lui la perspective incertaine d'une couronne? Ne savait-il pas trop ce que le pouvoir contient de déception? Ludmi n'aurait pas à le remercier d'un sacrifice qui n'en était pas un. Il n'aspirait qu'à être heureux avec elle et à pouvoir l'être au regard de tous. Mais il se heurtait à une invincible résistance. « Non, répondait-elle, c'est assez pour moi que vous en ayez eu la pensée, mais, votre femme, je ne puis pas, je ne veux pas l'être. Que serait mon avenir si je vous voyais lié à moi par des chaînes que vous ne pourriez plus briser et qui vous pèseraient d'un poids trop lourd? Non, vous resterez libre, et le jour où il faudra m'effacer de votre vie, ne craignez pas de me trouver lâche devant le sacrifice. » Et tous les raisonnements, toutes les prières étaient sans effet. Elle demeurait inébranlable dans son dévouement exalté. Qui sait d'ailleurs si, à l'heure actuelle, elle mesurait l'étendue de ce dévouement? Les bruits du monde n'arrivaient pas jusqu'à elle. Les humiliations et les mépris ne l'atteignaient pas. Suspendue entre ciel et terre, elle n'avait plus la notion du devoir. Elle perdait de vue les dures réalités de l'existence. Ce fut un incident, en apparence emporté, qui mit un premier nuage dans son horizon. Bien souvent, au coucher du soleil, elle allait errer aux abords de l'église. Rarement elle en franchissait le seuil. Elle se sentait trop loin du maître qui a dit « Vous n'aurez pas d'autre Dieu avant moi. » Mais elle était attirée par l'aspect paisible du hameau à l'heure où les femmes obéissant à l'appel de la cloche se rendaient à la prière du soir. Elle se plaisait à suivre les ébats des enfants sur la petite place plantée de marronniers, à écouter les gais propos des jeunes filles et des jeunes gens, bavardant autour de la fontaine. Peu à peu, elle arrivait à les connaître. Elle leur parlait même dans ce rude dialecte néerlandais qu'elle s'était facilement assimilé. Tous l'aimaient. On ne savait rien d'elle, pas même son nom, mais on la saluait au passage et on était heureux de la voir si belle, si affable au pauvre monde. Un soir, qu'elle traversait le cimetière, elle aperçut, accroupie sur une tombe, une fillette qui pleurait à chaudes larmes. C'était Gritty, la plus jolie fille du village. « Quel chagrin as-tu donc, mon enfant ?» lui demanda Ludmi en s'approchant. La petite paysanne se leva interdite. « Ce n'est rien, madame, » dit-elle en comprimant ses sanglots. « Ou du moins, personne ne peut m'aider. » « Dis-moi toujours ce que c'est, » reprit Ludmi en lui caressant la joue. « Oh, madame, il n'y a pas de remède, mais je vous dirai bien tout. C'est à cause de mon cousin Fritz. Nous voudrions nous marier ensemble, mais ma mère ne veut pas. Elle l'a chassé de chez nous. Je sais bien que si on nous sépare, j'en mourrai, mais il n'y a rien à faire, rien. Quand je vous disais, madame, qu'il n'y avait pas de remède. » « Mais ta mère se laissera attendrir, mon enfant. Tu es sa seule fille, n'est-ce pas ? Elle n'a que toi à aimer. Comment ne voudra-t-elle pas ton bonheur ? Oh, madame, elle ne cédera pas, je la connais. Elle dit que si j'épousais Fritz, ça serait désobéir à mon père que nous avons perdu, qu'il me maudirait de là-haut. Alors je n'ose plus y penser. Avec ma mère, je résisterai peut-être, mais le pauvre père, qui n'est plus là, oh non, madame, il ne peut pas offenser les morts. » Ludmi se recula comme s'il eût reçu un coup en pleine poitrine. « Ah, » dit-elle d'une voix altérée, « tu as raison, Gritty. Tu es une bonne enfant. Il ne faut pas offenser les morts. » Elle se détourna précipitamment de la petite qui la regardait, étonnée, et reprit son chemin à travers les tombes. Elle marchait d'un pas incertain comme si le terrain manquait sous elle. Dieu, ces mots de la petite paysanne, comme ils étaient cruels dans leur simplicité, comme ils assombrissaient l'extase du rêve. Pour la première fois, son amour ne la dominait pas tout entière. L'image du père outragé apparaissait devant elle, le passé la ressaisissait. L'âme a de ses retours subis. Ce soir-là, Ewald la trouva pensive et abattue, mais il l'interrogea en vain. Elle, qui lui disait tout, ne parla pas de la rencontre du cimetière. La mauvaise saison approchait, les arbres se dépouillaient de leurs feuilles, les eaux du Zuiderzee perdaient leur couleur d'azur et, sous le ciel bas et pluvieux, toute la nature prenait une teinte désolée. Ludmi, en proie au désir inquiet de changement que ressent toute conscience troublée, ne résista pas lorsque le prince lui parla de départ. Il fut convenu qu'il passerait l'hiver en Italie. Cependant, à la résidence, les difficultés allaient se compliquant. Depuis que le prince n'était plus là, ses adversaires eux-mêmes reconnaissaient combien sa présence était indispensable. Les éléments révolutionnaires, que lui seul avait su dompter, se déchaînaient sur le pays avec une fureur qui menaçait de tout détruire. Quel autre que lui eût pu mettre un frein au désordre de ce peuple égaré? Les mesures arbitraires, les répressions violentes n'avaient fait qu'exaspérer le mal. L'essai de réaction aboutissait à l'anarchie. De loin, dans la retraite ensoleillée, aux environs de Naples où il se cachait avec Ludmi, Ewald suivait anxieux la marche des événements. Tout absorbé qu'il fût dans son égoïsme à deux, quelque chose souffrait en lui de tant de fautes accumulées, de tant d'imprudences commises. Il se sentait comme responsable de tous les maux qui se préparaient. Sans doute il cherchait à se rassurer, en se disant qu'on l'avait méconnu, suspecté, tenu en échec, qu'il était affranchi de tout devoir vis-à-vis de ceux dont les défiances avaient dégénéré en persécution, mais il n'arrivait pas à se convaincre, et par instants, Ludmi surprenait une ombre sur son front, les traces visibles, des hésitations et des regrets qui commençaient à s'éveiller en lui. Ils étaient encore heureux, cependant. S'ils ne retrouvaient pas l'enchantement sans mélange des premiers mois, au moins avaient-ils des moments de bonheur ardents, d'autant plus ardents qu'ils devenaient plus tourmentés. Ils vivaient d'une vie intense sous ce ciel italien qui énerve et passionne à la fois, mais, à certaines heures, un même sentiment de désolation irraisonnée les jetait dans les bras l'un de l'autre, comme l'avertissement confus que l'avenir devait leur échapper, que dans cette résistance opposée à toutes les lois humaines et divines, ils ne seraient pas les plus forts. Ils menaient une existence très retirée dans un palais antique situé sur les hauteurs de Sorrente, et tandis que leur regard embrassait le merveilleux panorama qui se prolonge de Campanella à Misène, ils causaient, tout bas, quoique tout seuls, échangeant mille confidences puériles et charmantes, ces enfantillages de l'amour qui ne se trouvent dans aucun poème et qui sont pourtant la plus sublime des poésies. Souvent aussi l'entretien prenait un tour sérieux. Ewald retraçait son œuvre politique, l'expliquant, la justifiant avec cette chaleur qui porte la conviction en soi, et Ludmi, gagné par son enthousiasme, l'écoutait avec une attention recueillie. Maintenant elle le comprenait. Elle croyait en lui, et ce n'était pas l'entraînement illusionné de la passion. Les femmes comme elle n'aiment pas en aveugle, elles ne revêtent pas l'être aimé de perfection chimérique. Peut-être, au contraire, dans leur immense désir de le voir supérieur à tous, sont-elles à la fois plus clairvoyantes et plus sévères. Mais Ludmi ne se trompait pas lorsqu'elle découvrait chez Ewald les dons les plus précieux d'une nature d'élite. Plus jeune, emporté par la fougue de son caractère, il avait pu manquer de modération, poursuivre son but sans ménagement, sans tenir compte des obstacles. Ceci, il ne le niait pas. Mais au plus fort de ses écarts, il était resté constamment au niveau de lui-même. Aujourd'hui, éclairé par l'expérience, assagi par les désillusions, il révélait toutes les qualités de l'homme fait pour gouverner, et une fierté mêlée de tristesse s'emparait de Ludmi à la pensée que cet homme si grand, si au-dessus des autres, avait abdiqué entre ses mains, à elle, sa supériorité et sa grandeur, qu'il n'avait plus d'autre joie que son sourire, d'autre chagrin que ses larmes. Fière elle devait l'être. Qui ne comprendra son orgueil? Mais elle était triste aussi. Ewald ne se diminuait-il pas en l'aimant? N'était-ce pas indigne de lui de se perdre dans l'oisiveté d'un songe d'amour? Hélas, elle le détournait de sa voie véritable. L'aimant jusqu'à l'immolation, elle lui était nuisible, et la fatalité inéluctable de cette contradiction s'appesantissait sur elle, lui faisait reconnaître, comme tant d'autres l'ont reconnu, que ce n'est pas impunément qu'on peut se créer une morale à part. On était à la fin de mars. Ludmi, accoutumé au froid vivifiant du nord, se sentait éprouvée par la douceur de ce climat alanguissant. Elle avait perdu, d'ailleurs, les habitudes actives de sa jeunesse studieuse. Ballottée entre mille alternatives de joie profonde et de profond découragement, il lui manquait l'équilibre nécessaire pour s'appliquer au travail de l'esprit, pour se transporter dans le monde des idées abstraites. Le cœur d'Ewald et le sien propre, c'était là toute son étude. Le prince la quittait rarement, mais il y avait pourtant des heures où elle était seule, des heures qu'elle passait à contempler rêveusement la mer du haut de la terrasse blanche du vieux palais. Et un soir, qu'elle rêvait ainsi, elle se souvint tout à coup que ce jour était l'anniversaire même de celui auquel, un an plus tôt, elle fuyait avec Ewald. Comment cette date leur avait-elle échappé à tous deux? Pourquoi Ewald n'était-il pas là? Mais peut-être, grâce à quelque affinité mystérieuse, le souvenir qui venait de se raviver en elle, se ravivait-il en lui au même moment? Il allait revenir en hâte, tout repentant de son oubli, il la prendrait dans ses bras, et sous les tièdes parfums des orangers, il retrouverait l'ardeur des premiers transports. Impatiente, elle épiait son retour, elle interrogeait le petit sentier qui serpentait au-dessous de la terrasse. Pourquoi tardait-il tant? Fatiguée de son attente inutile, elle se levait pour entrer lorsqu'un bruit de pas retentit. Enfin, c'était Ewald. Avec un soupir de soulagement, elle se retourna vers lui. « Je commence à avoir peur, » dit-elle, mais son sourire expira devant la figure sérieuse du prince. « Mon Dieu, qu'est-il arrivé ?»« Un grand malheur qui nous atteint tous, » répondit-il gravement. « Cette nuit, le prince héritier est mort. » « Le prince héritier, le fils de la reine, Dieu juste. »« Oui, » continua Ewald, « c'est un événement dont il est impossible de prévoir les conséquences. »« Que va faire Éric? Que fera la reine en face de cet effondrement, alors qu'ils n'auront plus rien à ménager, que le soin de transmettre leur couronne ne les arrêtera plus ?» pour la dynastie comme pour le royaume, j'entrevois les plus cruels désastres. » Ludmie entendait sans comprendre. Elle n'avait retenu qu'un mot. Le fils de Christian était mort, son fils, sa dernière consolation, son espérance suprême. Quoi ? La mesure n'était pas comble pour l'infortunée créature. Le ciel ne se lasserait pas de la frapper. Martyr comme reine, martyr comme femme, martyr comme mère. Fallait-il donc qu'aucune douleur mortelle ne lui fût inconnue ? Et Ludmie évoquait un spectacle funèbre. La chambre obscure et silencieuse, l'enfant royal aux prises avec la mort. À son chevet, les hommes appelés à le sauver courbant la tête, confessant l'inanité de toute science humaine, et là, dans l'ombre, à genoux, les yeux agrandis par l'épouvante, une femme affolée, suivant les progrès de l'agonie. Et cette femme, cette mère, au cœur broyé, c'était Christiane. Mon Dieu, ne pouvoir aller à elle, s'être mise en dehors de sa vie, n'avoir plus le droit de souffrir de sa souffrance, de pleurer de ses larmes. Ludmie réalise enfin sa dégradation. Les sophismes de son amour se dissipent, et l'horreur d'elle-même la saisit, l'horreur de l'être souillée, déshonorée qu'elle est devenue. Soudain, une idée nouvelle jaillit dans son cerveau. Le prince royal n'est plus, mais alors c'est Ewald. Oui, Ewald qui est l'héritier. Seule la santé chancelante d'Éric le sépare du trône, et une douleur aiguë la pénètre toute. Ah! Il ne lui appartient plus désormais, un autre avenir se déroule devant lui, et dans cet avenir, Ludmie, la maîtresse d'un jour, le caprice d'une heure d'irritation, ne trouvera plus sa place. Comme poursuivant sa pensée, elle se retourne vers le prince, absorbée lui aussi dans une sombre méditation. Posant la main sur son épaule, elle le questionne d'une voix tremblante. « Vous allez partir, n'est-ce pas ?»« Partir ? » dit-il avec un tressaillement. « Partir ? » Allez là-bas, me montrer à ce père, à cette mère en deuil, mais vous n'y songez pas. Ma présence auprès d'eux serait un acte de cruauté. J'aurais l'air, Dieu me pardonne, de venir revendiquer mes droits. Votre devoir est là, cependant, murmura Ludmie. Je n'ai pas de devoir, reprend-il brusquement. Éric n'est-il pas le seul maître, le seul souverain? Je me suis séparé d'eux, j'ai accepté l'exil qu'ils voulaient m'imposer. En sortir maintenant, ce ne serait qu'une insulte à leur douleur, une insulte sans profit pour le pays, car moins que jamais, actuellement, ils écouteront mes conseils. Non, Ludmie. Et une note plus tendre atténue son accent d'amertume. Non, que les événements suivent leur cours sans que nous en prenions souci. Fermons les yeux sur l'avenir et aimons-nous. Il la tire vers lui dans une longue étreinte et, silencieux, appuyés l'un sur l'autre, il retourne à pas lents vers le palais.